instant préféré, qui fait que des phases de foule. Mais si tu flippes, si jamais tu t'affoles, si tu files dans la foule, t'as l'info foule. Et ce qui vient de te casser des bacs, je reste pas être seul, mais laisse pas l'occasion de foutre dans une boîte. Je ferai pas de lancer, mais ferme ta gueule. Hey yo, little speed for me. Comme le beat qui rythme ta vie, comme le bâtard, comme le brigand, comme le bandit. Bois de la bipine, de la bière si t'en as envie. Mais beat pas pour rien, les bons à rien, j'en ai fait partie. Hypocrite, je l'ai tué immédiatement s'il faut. Immédiatement ici, si il m'en dans mon dos. Irrémédiablement à toi, je ne dis pas bravo. J'aime pas les hypocrites, les mythomanes, les parano. Elles sont toutes belles, elles et tant de beauté. Tu m'en sors celle demoiselle, tu me fais planer. Gisèle, Isabelle, Annabelle ou bien Trinité. Et quand tu m'appelles, qu'on se nettoie et tout mélanger.